Le padre. Tu veux que je te parraine? C'est ma canela, mon chéra. C'est moi, on a coûté la vie. C'est ma canela. Allez, vite, maman, y'a ma C'est ma canela, mon chéra.